Puis nous avons dit « Allez tous deux vers les gens qui ont traité de mensonges nos preuves », nous les avons ensuite détruits complètement.